Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine. Oui, allez, allez, ben oui, ils sont là. À ma droite, le Jurassic Park des ondes. Oh, va te faire foutre. Le Triceratops de la FM. Le Terra Nova des ondes. Bob du club. Salut les filles. Bravo. Salut. Le spécialiste des petites blagues mignonnes. Ah ben lui aussi c'est un dinosaure. Ah bon? C'est un tripotanus. Voilà, en général tu dis connasse je crois, non? Pas, ah bon, pas. C'est GG. Ah oui. Je viens déjà de me débarrasser du vieux débris. Je vais pas le tuer lui ce soir. Le vieux débris dont parle Maurice, dont parle GG, c'est bien sûr Maurice. Il ne peut pas être là ce soir, malheureusement. Non, parce qu'il a laissé sa moustache à tremper. Ouais, mais on a des archives. Oui, on a des archives. Maurice, qui bien sûr ce soir a voulu se faire un lavement juste avant de venir à l'émission. Oh, qu'on n'a pas pu le récupérer. Ah, c'est ça le tsunami. Ça coule dans les escaliers. Oh. Ah, c'est ça tous les bouts de verre par terre. Là. Oh là là là là là là. Alors l'émission face à eux, il y a donc une autre équipe. Oui, s'il te plaît. Oui, une autre équipe qui est composée de Frédéric Coster. Ah oui, très bien. Bravo. Ah oui. Guy la teigne. Et non, il est tout doux comme un cœur. Oh, oh, oh, regarde l'autre. Oh, là. T'as viré ta cutie. Qu'est-ce qu'il t'a promis, tu sais, il n'y a plus personne qui lui parle. Je savais qu'il serait jaloux en face. Je crois que l'invité a viré sa cutie. Donc je vais quand même dire que l'émission est réalisée comme chaque semaine par David. Ah oui, ouais. Bravo. Animé par Philippe Bello. Ah, bravo. Alors, très bonne émission. Ouh. Et on remercie bien sûr René, comme chaque semaine, qui assure l'intendance de cette émission. Ah oui. Ah oui, et oui, c'est important, c'est important. Alors, Frédéric, comme chaque semaine, oui. Un invité. Oh bah c'est un habitué, il connaît tout le monde, il connaît la maison, c'est José Cruz. Oh José, on t'aime. Ouais, merci. Caros te ore ore ore ore. Ça m'a craqué, il parle très bien portugais. Il parle très bien portugais. C'est pas ça les paroles. Ah, c'est pas ça, c'est quoi? Aqui está o tiro liro liro liro. Aqui lá está o tiro liro liro laro. Ah, tu la connais? Attends, j'ai été bercé là-dedans. Alors, Bob, c'était qui? Ah, je sais pas. Bah, c'est Linda de Souza. Linda de Souza, oui. Chanteuse portugaise connue en France. Avec sa valise en carton. Voilà. Alors. Oh, José, tout le monde se souvient de cette chanteuse, ah oui. De ce livre. Bah mais oui, qui l'a lu? Mais qui l'a lu ce livre? On a eu tellement peur avec quand elle avait sa valise qu'on est tous allés chez Vuitton après. On n'a pas quitté. Donc José vient nous voir à l'occasion de son spectacle. Oui. José, comment s'intitule ce spectacle? Hola. Hola. Et voilà. C'est marqué là. Hola. Mais non, ça c'est espagnol. Ça, c'est espagnol ça. Ah mais oui, c'est marqué c'est sur le crack. Regardez, je viens de voir. Alors c'est tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h au théâtre Pandora. Oui. 30 rue Keller, 75-011. Quel métro, Maurice? C'est métro Bastille ou Voltaire. Bon, alors quand même, ce spectacle Hola, oui. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la vie d'un jeune garçon qui s'appelle José Nuno Manuel Coelho Duarte de Jesus de Vasconcelos de Oliveira da Cruz. Hola. Qui, bien entendu, vous l'avez deviné, est d'origine portugaise. Thaïlandaise. Il cherche l'amour, il rêve d'Hollywood et il parle frantouguet. Ah oui. C'est quoi ça le frantouguet? Le frantouguet. Le frantouguet, GG, c'est quoi? Eh ben c'est moitié français, moitié portugais. Non, ça c'est du tuning. Non, c'est du français parlé par un portugais, par oui, exemple. Oui, bah c'est ça. Vas-y, moi j'ai ça avec un indonésien. Hein, donne-nous un exemple. Par exemple, José. En France, on dit une de perdue, 10 de retrouvée. En frantouguet, on dira l'océan est plein de sardines. Ah mais c'est oui, c'est le frantugais, c'est quand même c'est de la poésie. Tout à fait. Mon père est un grand poète. Les portugais sont poètes. Très très très, surtout mon papa. Ah ? Et oui, parce que l'océan est plein de sardines et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il reste toujours des jolis tons. D'habitude, on a une morue, mais elle est pas venue. Voilà, mais comme j'étais sûr que vous allez me faire la blague sur Linda de Souza, je me dis on va éviter la morue. Ça, c'est un truc de dingue. Tout le monde s'imagine que tous les Portugais, c'est ça, c'est les 3 M. Maçon, ménage, moustache. À chaque fois. Alors, dans cette émission, José, tu vas voir que ça n'a pas beaucoup changé depuis que tu étais venu il y a un an et demi, 2 ans. Ah, ça fait 2 ans déjà. Je pensais que c'était plus récent, mais en fait, non, comme le temps passe. Le temps passe vite. Donc, il y a toujours des jeux. Il y a toujours des tournées de blagues. Il y a des blagues racontées par Maurice qui n'est pas là ce soir, mais on a suffisamment d'archives. Et il y a des épreuves. Oui, tu vois. Ah, maintenant il y a des épreuves, ça y est. Non, mais c'est toujours une épreuve. Alors, et alors la première épreuve, oui, c'est le baptême de l'équipe en face. Car oui, chers amis. C'est le révérend Père Bello cette semaine. D'habitude, c'est Pierre Bellemare. Cette semaine, c'est le prêtre. Ah bah, j'ai vu l'autre fois à la télé, il y a quelqu'un d'autre qui le trouve comme Père Bellemare. Oui. Pour que les téléspectateurs, pour que les auditeurs idiots de Bob puissent suivre l'émission normalement, oui, nous allons donner des noms aux deux équipes. Ça, enfin, vous allez donner des noms. On est mal parti aujourd'hui, cette émission. Ça s'arrange, Philippe. Donc, il faut baptiser les équipes. Oui. Très bien. Et c'est vous qui baptisez les équipes. Alors, on va demander déjà à Bob s'il a une idée pour l'équipe de José Cruz et Frédéric Coster. Les Portugaises en sablé. Bon, ben. Alors, les Portugaises. Ensablé, je le note. Oui, c'est bien. Et nous, on va les appeler comment ? Les vieilles morues. Bon, alors, voici la première question pour les Portugaises ensablées et les vieilles morues. Ça fait qu'il n'y a pas un festival tous les ans, le festival des vieilles morues. Non, tu confonds avec les vieilles charrues. Ah, c'est charrues, pardon. Dans les pays développés, oui, à votre avis, que se passe-t-il 23 fois par minute ? Dans les pays développés. Une naissance. Bonne réponse de Frédéric Coster. Qui One point. Oh là là là là, mais c'était incroyable. C'est ce que j'allais dire. Il naît un bébé, enfin 23 non, bébés par minute. Je vais te dire, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pas fallait juste le temps de poser le verre. Il y a Maurice qui n'est pas là ce soir, reçoit des blagues de téléspectateurs. Ouais. Et il y a des blagues qu'on n'entend pas souvent. Et notamment une blague qu'il nous a racontée il y a quelques temps de cela à propos de deux chats qui discutent. Ah, je m'en souviens pas de celle-là. Tu t'en souviens de celle-là, Gégé, ou pas ? Miaou. Pas moi. C'est deux chats qui discutent l'un dit à l'autre. Alors, deux chats. T'es mal poli, tu devrais t'adresser à Christine. À Christine et à Alice, bien sûr, parce qu'ils sont venus à deux. Voilà, alors vas-y. À deux. Alice et Christine, ou Christine et Alice, comme vous voulez. Oui. C'est deux chats qui discutent l'un dit à l'autre. On est fait l'un pour l'autre. C'est con. Hein. J'ai pas compris au moins ou pas ? J'ai pas compris. Hein. On est fait l'un pour l'autre. Oui, eh ben, on est fait l'un. L'un pour l'autre. Non, pas on est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Non, mais Maurice, tu le fais. Non, n'applaudis pas. N'applaudis pas, ça l'encourage. Non, merde, à un moment, alors. Je me souviens qu'il y a deux ans, quand j'étais venu, il y avait déjà ça. Oui, c'est pas la même. C'est pas la même. Ah non, mais il y en a plein. Oh là là. La roulette russe tout à l'heure, tu vas voir. Mais non, il n'y a pas la roulette russe, il est pas là. Mais c'est pas grave, on peut essayer de l'appeler. En deux ans, ça n'a pas changé. Non. Alors, on va voir si t'es capable de faire mieux que Maurice, car juste après cette courte pause, sur une mauvaise pente. C'est la première tournée de blagues. Ah, ok, d'accord. Allez, on les fait chauffer et on revient avec José Cruz. Ouais, ouais. Retour d'On va se marrer avec José Cruz. Hola. Oh là. C'est pour voir s'il suit. Hein. Vous connaissez ça, Bob ? C'est la valise ? Non ? Mais ça, c'est un tube des années 80. Tout le monde oui. En sait dessus. Allez, Bob. Attention. Enfin, vous voyez que chanter bien tout à l'heure, c'est des bonnes paroles. Bon alors, tout ça pour dire quand même que... Donc le spectacle, bien sûr, tourne autour de la vie du portugais, de ton portugais. Alors, ça parle de l'histoire de ce jeune homme qui a des rêves comme tous les jeunes hommes modernes de son époque, en France. Mais qui en même temps est confronté justement à la vie avec ses parents d'origine portugaise. Et donc c'est un peu ça dont parle le spectacle aussi, c'est la rencontre d'un jeune homme qui est né ici en France, de parents portugais, avec la confrontation des deux mentalités. Notamment lorsqu'il apprend à ses parents qu'il veut faire du théâtre. Ah ah. Ah. Et son papa lui dit « Bordel de merde oui. !» Et sa maman lui dit « Jesus Maria oui. !» Mais José, Jesus Maria, oui. Comédien, comme dans Urgence. Mais José, Tu n'as même pas fait médecine. Là où Giuseppe va finir standardiste. À l'hôpital de Georges Clooney, j'écoute. Que même pas que tu sauves des vies. Mario, ton fils est ton drogué. C'est ton fils, c'est ton fils, c'est ton fils, c'est ton fils. Et c'est ainsi que je suis devenu orphelin. Oh, tu nous feras un petit extrait tout à l'heure. Bah oui. D'accord. On celui que j'ai testé dans le hall. Ouais, exactement. On peut, ouais. Alors, tu étais venu nous voir il y a quelques mois de cela, avec le spectacle, c'était le même spectacle. Alors, c'était le même titre, Hola, mais qui a changé, donc, depuis 2 ans, à peu près à 50% maintenant. D'accord. Ouais, des nouveaux sketchs. Voilà. Des nouveaux sketchs. La maman est devenue plus importante. Maintenant, il y a aussi plus de choses par rapport aux rencontres modernes. Notamment, toute une partie sur Internet, les dangers de la vie Internet, cloîtrée chez soi, chacun dans son coin. Pour rencontrer des gens, c'est de plus en plus difficile. Avant, pour rencontrer quelqu'un, c'était « Bonsoir, mademoiselle, m'accorderez-vous cette danse ?» Non. Merci. Bon, ça marchait pas tout le temps. Maintenant, pour rencontrer quelqu'un, c'est « Salut, t'es tu veux chatter ?» LOL. Oh c'est vrai, vous imaginez quoi, que les mecs qui sont derrière l'écran, costard, cravate, chaussures cirées, ben non. C'est dingue. Moi, j'ai même un pote, il a rencontré sa copine sur adopteunmec.com. Ah. C'est pas un truc de malade, adopteunmec.com. Non, sérieux, ça fait quand même un peu site de la SPA, non? Oui. J'imagine la photo des mecs. Ah, adopte-moi. C'est dingue, ça. Si ça fonctionne comme la SPA, j'ai peur que l'été prochain, au mois d'août, il y ait plein de mecs sur les aires d'autoroute. À notre époque, pour draguer, on allait dans les bars à cul, et puis au moins, on était sûr de se faire tripoter par quelqu'un. Voilà. C'était le bon vieux temps. Et c'était le bon vieux dans temps. Dans sa jeunesse, GG se faisait tripoter en allemand. Oui, alors j'allais dire justement une chose importante, c'est que je me souvenais effectivement dans ton précédent passage que tu étais d'origine portugaise, mais je ne savais pas, et on l'a appris avant de commencer l'émission, que tu parles portugais couramment, et non seulement ça, mais que tu es parti au Portugal faire le spectacle. Et oui, tout à fait, puisqu'en fait, depuis un an, j'ai traduit le spectacle Hola dans sa version portugaise, donc il fait un peu plus d'une heure également, et puis on m'a proposé au Portugal, ils en ont entendu parler, de faire une tournée. Donc au début, il y avait une date, et puis d'autres dates se sont ajoutées, ça a duré 15 jours, 3 semaines, et je suis parti jouer du côté de Porto, Estarreja, Coimbra, Lisbonne, et ça, mais super bien marché. J'étais donc le premier comique portugais à revenir au pays et à jouer dans la langue d'origine de ses parents. T'as été à Porto ? Ouais, j'étais à Porto. T'as ramené une bouteille pour Gégé ou pas ? Mais je lui ai ramené un copain, donc... C'est beaucoup mieux. Oui. Bon, eh bien, on va voir si on fait mieux que Maurice, puisque on a eu une première blague de Maurice tout à l'heure. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bien sûr, on commence traditionnellement par la petite mignonne de Gégé. Oui, elle est mignonne. Une concierge est enceinte. Son médecin lui demande qui est le père. Et elle répond, vous croyez peut-être que j'ai le temps de me retourner quand je nettoie les escaliers? Alors, c'est un type qui a perdu sa femme. Alors il va voir la police et la police lui demande de la décrire. Alors elle est grosse, elle a un œil de verre, un dentier, elle est chauve un petit peu quand même, elle a la barbe et puis depuis qu'elle a eu un accident, elle a plus qu'une fesse. Ah. Alors le gars qui est de l'autre côté du compteur lui fait « Eh bien monsieur, vous avez une chance extraordinaire, on ne l'a pas retrouvée. » Alors, ça se passe au Sénégal. Oh, putain. Très beau pays, le Sénégal. C'est vrai que Philippe, t'es un peu à cran en ce moment. Oui. Et c'est l'ambulance sénégalaise qui rentre en trombe dans l'hôpital d'Assombo Yagobo et qui transporte à son bord Florent. Florent, c'est un Français qui était en vacances au club Méditerranée au Sénégal avec son petit ami Jean-Marc. Ah oui. Et que son petit ami a retrouvé inanimé dans la brousse. Alors, figurez-vous qu'on l'emmène aux urgences. Et heureusement, moi, le docteur Aboula Bimboua, diplômé de la faculté de médecine de Longjumeau. Mais surtout, ne dites pas l'adresse du studio, ils vont nous foutre le feu. Je regarde la civière avec ce pauvre homme étendu dessus. Et je lui demande. Mais pourquoi il crie? Bonjour monsieur. Déjà, il est poli. Que vous est-il arrivé présentement? J'ai été violé par un éléphant. Ah! Bon, alors je vais vous ausculter de visu. Je le retourne sur la civière, je regarde, et là, c'est une horreur. Oh, mais dis donc! C'est une quoi? C'est une horreur. Mais dis donc, hé, oh! C'est pas un anus que vous avez, c'est le tunnel sous la Manche. Oh, oui, c'est l'éléphant qui m'a fait ça. Dis donc, tu me prends pour un con ou quoi? Ça m'étonnerait que l'éléphant, il ait réussi avec son kiki à te faire un trou comme ça. Mais c'est parce que c'est pas avec son kiki. C'est qu'il a voulu me mettre un doigt. Mais, attends, mine de rien, vous avez déjà vu un éléphant en érection? C'est une cinquième patte. Hein. J'ai cru que tu allais nous parler de Fils Funky. Tu regardes les chaînes porno maintenant? Oui. Les chiennes porno. C'est un éditeur qui dit à l'un de ses écrivains, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh, bon, on va commencer par la bonne. Gaumont a adoré votre livre, votre manuscrit inédit, exemplaire unique. Gaumont a adoré, littéralement dévoré. Ah, oh, mais c'est génial! Mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? Gaumont, c'est mon chien. Deux filles discutent à une terrasse de café. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et sinon, je voulais savoir, dis-moi, toi, tu fumes après l'amour Demande la première, la deuxième. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Bon, alors, non. J'avais oublié le... Ah, oui. Ça nous est revenu. Ça vous avait marqué. Si. Alors, comment on dit en portugais, oui? Sim. Ah, comment? Sim. Sim. Sim. T'es super fort en accent, Philippe. Sim. Dans quelques instants, José, nous allons te confronter à une épreuve que tu connais, c'est l'épreuve du trivial. Ah! D'accord. Deux équipes qui vont s'affronter. Car oui! Vous formez deux équipes. Mais je vous réexpliquerai la règle du trivial après cette courte pause. Ah oui. Et vous formez deux équipes. Il a pris de la cocaïne ce soir. Je sais pas à quoi il fonctionne, mais... Restez avec nous, reviens. Oui, restez avec nous. Avec José Cruz. Ouais. C'est ok, Christian Clavier. C'est ok. Il a bouffé le canicule. Retournons va se marrer avec José Cruz. Hola. Alors Maurice, José Cruz qu'on peut voir où? Alors c'est au théâtre Pandora. C'est quel métro Maurice? Alors c'est métro Bastille ou Voltaire. Mais Bastille, c'est mieux. Hein. Ou le Drurolin aussi. Mais Bastille, oui, c'est mieux. Hein. Mais Maurice, maintenant, on met une précision très importante dans toutes les promos. Réservation au 01 47 00 88 01. Mais Bastille, c'est mieux. Hein. Et c'est tous les mardis du premier mois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. C'est tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h. Merci Maurice. Et donc, c'est à Paris. Oui, au théâtre Pandora. Au métro Bastille. Ce qui est bien, c'est que Maurice, même quand il n'est pas là, en fait, il est là quand même. Hein. Mais je ne savais pas que Fred, maintenant, il développait ses talents d'imitateur. Ah, bah, ah oui, encore, il t'a rien vu. Bon, avant les talents d'imitateur de Maurice, oui, Fred, s'il te plaît, oui. J'ai donc, pendant la pause, tiré au hasard. Ouais, ça fait des années que tu tires au hasard, mon pauvre ami. Deux cartes dans le boîtier du trivial. Le boîtier du trivial de 1985. Précision est importante, car certaines réponses datent de 1985. Eh oui. D'accord. Eh oui. Poutine n'existait pas à l'époque. Une carte par équipe. 6 questions sur chaque carte. Le but du jeu étant de répondre. Ça sert à rien quand on achète des neuves. Mais je m'en sers de tes neuves, elles sont là. Bon. 6 questions sur chaque carte. Eh oui, Coco. But du jeu étant de répondre au maximum de questions pour marquer un maximum de points. Mais règle très importante. Si toutefois vous avez la réponse sans vous consulter, vous n'êtes pas obligé de vous consulter. Il fait un petit peu Alain Decaux aussi. Non, non, si toutefois très Belmar. Vous pouvez donner la réponse directement en téléphonant au 08 625 625 en disant cash. Ouais, cash. Et en donnant la réponse. Et là, ce n'est pas un, mais deux points que vous allez marquer. Incroyable. Si toutefois vous n'avez pas la bonne réponse, l'équipe adverse pourra donner la réponse et marquer le point à votre place. Mais marquer un point. Un seul. Ah, un seul. Puisque le cash ne marche que dans un sens, Bob. Ne complique pas les choses. Non. Je fais donc choisir, comme chaque semaine, la carte à Bob, parce que sinon il dit que c'est truqué, qu'on a truandé. Il le dira de toute façon. Voilà. Alors Bob, je te préviens tout de suite. Et si on n'a pas répondu, mais qu'on le savait quand même, on n'a pas un point. c'est que t'es vraiment con. Alors Bob, la question, je te préviens, il y a une carte très facile. Oui. Ah il bah y a une carte. Je vais la prendre, tu m'as montré celle-là. Je vais la prendre. Tu veux celle-là? Il te connaît pas depuis le temps. Là, tu dois avoir choisi la très difficile. Ouais, donc je prends la carte que Bob a choisie et on commence par l'équipe des vieilles morues, donc Bob et Gégé. C'est parti. Quelle langue au pluriel parle-t-on à Malte? On parle deux langues. Deux langues. Il y a l'italien, l'italien et puis le maltais. Peut-être, oui. Le faucon. Oui, on va dire ça. Vous me dites l'italien et maltais. Non. L'anglais et et le maltais. Et c'est correct. Et ouais, bravo, bravo. Et oui, c'est José Cruz qui vous la met. Qui joue tous les jeudis, vendredi, samedi, 21h au théâtre Pandora. Quel film de Francesco Rosi a eu le Grand Prix à Cannes en 1972? Oh, Bob, en 1972, c'était... GG à Cannes. Tu fréquentais dans les années 70 Cannes, Saint-Tropez, tout ça. 72. Le coiffeur. Non, t'étais pas à Saint-Tropez dans ces années-là. En 72, je faisais l'armée, chérie. Ah. Non, tu te faisais l'armée. C'était très bien. Bon, moi je sais pas. Hein. Donc vous ne savez pas ni l'un non. ni l'autre. Non. Frédéric, puisque c'est ton fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. Le Grand Prix à Cannes en 1972. Non, je veux pas l'avoir. Non plus. L'affaire. Dominici. Non, Mattei. Mattei. Mattei. Alors là, c'est une question pour Gégé, encore une fois, parce qu'il connaît bien toutes les têtes couronnées. Quelle reine était fille d'Henri VIII et d'Anne de Boleyn? Ah! Si. Attends, Henri VIII. Alors, la fille. Anne de Boleyn, c'est pas celle qui avait des champignons. Anne de Boleyn, c'était la maîtresse. Enfin, c'était la deuxième femme qui a perdu d'ailleurs, qui s'est fait décapiter parce que la première finalement est morte de chagrin. Non, d'Henri VIII, le roi d'Angleterre qui a tué toutes ses bonnes femmes. Ah oui, le fameux Barbe Bleue. Alors, voilà. Henri VIII et Anne de Boleyn. Ils en ont fait une version, il a tombé par terre. Moi, je me serais foutu reine d'Angleterre, je peux te dire. Alors, Jonathan Rhys-Meyers. C'est pas Elisabeth la fille? Non, c'est pas Elisabeth. Si, c'est Elisabeth Ière. Alors, votre réponse. Si t'en es sûr, dis-le, mais je crois pas. Enfin, j'en suis pas. Mais je pense que c'était Elisabeth Ière. C'est correct. Ah bon. One cash. Non. Comment sont les nourritures d'André et la, parce que la mère était espagnole. Bon, Stéphane Bern, sort de ce corps. Oui, quelles sont les nourritures de quoi? Les nourritures d'André Gide. Eh ben la lecture, la littérature. Ah non, mais c'est un titre de son livre. C'est un titre. Ah, les nourritures. Les nourritures intellectuelles. Faut penser à Baba. Les nourritures. Non. C'est pas la femme de Baba. Les cornflakes. Alors les nourritures. Divine. Non, pas divine. Comment tu dis le. Les nourritures. Bah le André Gide. André Gide, oui, non. Non, pas André Gigue. Celui qui était dans les affaires de mœurs. Les nourritures. Les nourritures. Dommage que Maurice ne soit pas là parce qu'avec sa fabuleuse blague, il nous aurait trouvé tout de suite. Les nourritures de l'esprit. Non. Non, tu sais, par rapport à Dieu. Moi, j'aurais dit les nourritures célestes. Les nourritures saintes, les nourritures. Célestes. Alors, là, donc c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas la bonne réponse. Non, donc, votre pas. Réponse. Moi, j'aurais dit les. Qu'est-ce que t'en penses, José? Divine. Moi j'aurais dit céleste, moi. Terrestre. Non. Un terrestre. Ah. Qui a découvert les procédés permettant de développer les images? La photographie, quoi. Ah ben c'est... Bah c'est les frères Lumière. Non. Je dis non. Non, mais c'est pas les frères Lumière. Ah, mais attends, c'est les frères... Non, c'est pas les frères Lumière. C'est Niepce. Comment tu dis? Nicéphore Niepce. Non. Nicéphore. Nicéphore. Ce n'est pas lui. C'est pas Niepce? Non. T'as une idée, jamais? Dans ton micro? Ah non, là, vous pouvez dire. Eh, j'ai vu la réponse il y a une semaine sur Arte, et puis là, je me souviens plus. Et voilà, oui. C'est bête, t'auras pas le point. J'ai bien pourri la carte quand même. Oui, oui. Tu vas voir. Ouais, mais le truc de connasse là. Je sais pas. Daguerre. Ah ouais, c'est ça. Et enfin. Qui avait mis sa culotte à l'envers. Dernière question, réfléchissez bien, ne donnez pas une réponse trop hâtive. Quel est le pays du sukiyaki? Vert. Du sukiyaki. Oui, tu veux pas qu'on dise. C'est un sport. C'est ça. C'est en sport? Oui. Le sukiyaki. C'est un sport. Mais le sukiyaki. Sukiyaki. Yaki. Yaki le kiki. Non, on sait pas qui c'est, hein. Non, là, si c'est le Japon, t'en mets une, hein. Ah, non. Attends, je n'ai pas dit que c'était pas le Japon. Non, t'as J'ai dit réfléchissez, ne donnez pas une réponse trop hâtive. Car, effectivement, on peut penser tout de suite que c'est le Japon, ou tout de suite que c'est la Chine, ou la Corée. Moi, j'aurais dit l'Espagne. Donc, je dis, il faut quand même réfléchir avant. Sukiyaki. Oui. Moi, j'irais quand même le Japon. Oui. Japon. Je sais pas du tout autre. Japon. C'est correct. Enfoiré. C'est un enfoiré, ce mec. Mais ça fait que 2 points. C'est pas possible. Ça, c'est pour nous faire perdre un point de bonus. Et vous avez quand même marqué 2 points, Bob. C'est tout. Mais oui. C'est une partout, ça. Non, mais ça suffit. La carte qu'ils vont avoir. Ça suffit. Eh oui, mais nous, on a marqué 1 point sur la carte. Et voilà, vous avez marqué 1 point sur la carte de Vieille Morue. Quand même pas mal. Mais c'est une... Tous les collabos, t'es vu. Mais c'est une partout, ça, non? Pourquoi? Où on se demande suki, yaki. Alors, moi, je pense que, vu l'excitation de GG, il serait peut-être temps de prendre... On dit un ou une aspirine? Un aspirine. Une aspirine. Cachet. Un cachet d'aspirine ou une aspirine? Une aspirine, vous croyez? Moi, je dirais une aspirine, oui. Ah bon, on va vérifier. Alors, qui est cet auditeur qui avait râlé? C'est Nicolas de Versailles. Ah, très bien, bah oui. Parce que tu avais foiré sa blague. Oui. Alors, fais-la bien, parce que sinon... Une dame se présente chez son pharmacien. « Bonjour, monsieur, je voudrais de... » Je crois savoir ce que c'est comme blague. De l'acide. Oui. De l'acide. Oui. Non, mais il a râlé, écoute. Raconte-la bien, Maurice. Maurice, s'il te plaît. Il nous a envoyé un mail d'insulte. S'il te plaît, tu fais un effort. De la chétil... Je sais pas quoi. Ah, mais Maurice. C'est de l'acide acétyle salicylique. De l'acide. Ouais. Moi, je le dirais. D'un coup, vas-y. Regarde, frère, donne-le à... C'est de l'acide acétyl salicylique. Bonjour, monsieur. Je voudrais de l'acide acétylite lacylique. Voilà, oui. Oui, c'est passé. SVP. T'es sûr qu'elle est à l'école quand t'étais petit? Alors, attendez, la blague n'est pas finie. Vous voulez dire de l'aspirine? Il va me faire mourir, ce con. Bravo, Maurice. Ah oui. Alors, on a des heures, hein, vous savez, d'archives, évidemment. Mais t'as tout déposé à l'INA? Non. Ah, merde. Mais on ne va pas se contenter d'archives, car juste après cette courte pause, on va demander à José Cruz de monter sur la scène dont on va se marrer pour un petit extrait du spectacle. Ok, d'accord. Avant de faire votre carte. Carrément, avec plaisir. Ça nous permet de laisser le temps juste de la changer pour vous trouver une carte plus facile. Ah, ça fait rire Bob. Donc, restez avec nous, on revient avec José Cruz. Ouais, ouais. On va se marrer avec José Cruz. La foule délire. Oh là. Les femmes se déshabillent. Oh là. Alors, tous les jeudis, vendredis, samedi au théâtre Pandora, 21h. Et les garçons à Paris. Aussi. À Paris. Métro Bastille. Alors j'ai vu donc en Métro plus. Métro Bastille. Gros

Tous les premiers lundis du premier mois. Quand est-ce qu'on coupe? Quand est-ce qu'on coupe le son? S'il vous plaît, abrégez ces souffrances. Le pire, non. C'est qu'il ne fait pas esprit. Tous les lundis, tous les premiers, tous les premiers lundis du mois. Ah oui, non, attends. Sacré Maurice. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont allés au, théâtre le lundi du premier mois. Bon, alors vous l'avez compris, il est pas là ce soir, mais on a quelques archives et on en a d'autres à vous faire découvrir. Et on salue nos copains des alcoolites au passage. Oui, c'est tout à fait qui avaient supporté cette soirée, mais qui se sont fait interner juste après, volontairement. Alors, dans l'émission, nous avons maintenant de temps en temps un peu de publicité. Car c'est une obligation légale pour pouvoir financer l'émission. Voici donc une page de publicité avec un de nos sponsors. Les opticiens ? Oui, alors c'est le Papa Noël. Alors j'arrive devant le sapin avec les cadeaux, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce que je dis ? Alors, maman, papa portable. Alors je dépose à papa portable. Guillaume iPad. Maman lunette. Maman lunette. Ah oui, un deuxième. Maman lunette. Ah oui, il y en a un troisième. Ça change. Mouloud, billet d'avion, oui. Aboubacar, billet d'avion, oui. Rachida, billet d'avion, oui. Ah, ils sont forts, hein. Ah oui. Merci, Raph le loup. Des ennuis. Tu t'avais prévenu que tu vas avoir des problèmes. Faisait quelques petites imitations dans l'émission. Alors il n'est pas là, mais avant de faire la deuxième carte, je voudrais quand même proposer à José, comme on le fait avec les autres, une petite roulette russe. Elle est très simple. La roulette russe, c'est qu'en fait, on te propose des mots qui correspondent à des blagues mémorables de Maurice, et automatiquement, alors il n'est pas là, mais on lui fera raconter. Automatiquement, donc il y aura la blague de Maurice. Attention, donc tu dis stop quand tu veux. Poussin, Maya l'abeille, skieur juif. Stop. Ah, top. Ah, les skieurs juifs avec une version qu'on n'a pas encore rediffusée. Ah. Écoutez. Mon cher Christophe. Ah. Que se racontent deux skieurs juifs sur une piste. Piste de neige. Bon. Piste de neige. Alors, piste de neige. Alors, bien donc sûr. C'est toujours le même principe. Il faut le dire. Je ne sais pas. Bah, je ne sais pas. Eh ben. C'est pas non plus. Shalom. Non, moi je dis rien. Moi je sais pas, il faut le piquer. Shalom. Non. Shalom. Voilà. Recommence. Alors. Mais pas moi. Tu m'énerves. Bah oui, alors si je t'énerve, ne regarde pas, imbécile. Oui, mais je suis... Mon cher Christophe, que dit de skieur juif sur une piste de ski? Eh ben, ils se disent tchalom. Non, shalom. Mais c'est pas possible. Fais-la, Valentin. Non, fais-la, Valentin. Tu arrives pas avec Christophe, fais-la, Valentin. En plus, il est à côté de toi. Allez, vas-y. Mon cher Valentin. Ah, tu vois, ça change. Hein. Ah. Oui, Maurice. Que dit deux skieurs juifs sur une piste? Excuse-moi, Maurice, de t'interrompre. Enfin, deux skieurs, c'est donc du pluriel. Oui. C'est donc pas que dit deux skieurs, c'est que disent deux skieurs sur une piste de ski. Alors, reprends au début. Mon cher Valentin. Oui, mon cher Maurice. Que dit deux skieurs? Que disent? Il y a une patate dans l'émission. C'est normal, vous embrouillez tout le temps. Ben, on l'embrouille pas. On essaye de le faire progresser. Allez, Maurice, recommence. Mon cher Valentin. Oui, Maurice. Que disent deux skieurs juifs sur une piste d'hiver? Non, c'est bon, ça passe. On la garde. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent, tu sais pas? Je ne sais pas, mon cher. Alors, Tchalom. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Oh là là, ça n'ira pas mieux. La dernière était bonne, mais celle-là... Vous l'avez enregistré à quelle heure? C'était fin de soirée, celle-là. Oh non, mais c'est... Mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont persuadés que c'est répété. Ah oui, tu parles. Et qu'il le fait exprès. Ah non, non. Parce que, ma main sur la gueule qui prend après, c'est pas répété, ça. Hein. Bon, allez, juste après cette courte pause, c'est votre carte, la deuxième carte du Trivial. Et on va faire plein de points. On revient avec José Cruz. Ouais, ouais. Retour, on va se marrer avec José Cruz. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et son one-man show, Hola. Tous alors, les jeudis, vendredi, samedi à 21h. Et Boris n'est pas là. Ah oui, tu as vu. Mais José Cruz, c'est ton vrai nom ou Alors, José Cruz, c'est mon vrai nom, mais réduit pour la scène. Ah. Non, parce que d'habitude, en fait, il est beaucoup plus long. Ah. Ben, il nous l'a dit tout à l'heure. C'est un noble. Il nous l'a dit tout à l'heure, son vrai nom. Non, en fait, c'est pas du tout noble. Souvent, les gens, ils posent la question, mais c'est vrai que dans la tradition portugaise, depuis toujours, à la naissance de l'enfant, on a automatiquement le nom des deux parents. Aussi bien papa que maman. Et donc, il suffit d'avoir déjà des noms composés chez les parents pour se retrouver avec un nom assez long. Et en plus, comme il y a la tradition d'avoir le prénom choisi par le papa, le prénom choisi par la maman, plus le prénom de tradition du grand-père. Ouais, absolument. Et chez certains, on donne le prénom du parrain. Comme en France aussi, dans le Sud, ça existe beaucoup. Moi, donc ton grand-père, toi, c'était Manuel? C'était José. En fait, José, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom officiel, même sur ma carte d'identité française, normalement, c'est Nuno. Ah. Mais j'ai choisi José. Nuno. Nuno. C'est marqué devant toi, Bob. Mais moi, quand j'étais môme, je me souviens, au lycée, j'avais un copain, je crois qu'il était espagnol, il s'appelait Detena Itena. C'était un rallonge. Mais alors, après, il a vieilli, c'était Detena. Ah bah, non, après, mais vous n'êtes pas emmerdé pour faire les cartes de visite? Au Portugal, si. Bah, ils les font très grandes. Les cartes de visite, c'est des flyers de spectacle. José, nous, Manuel. Mais c'est plus simple avec Bob du club, en fait. Ah, ouais, Jésus. Bon, allez, là, les choses sérieuses arrivent, puisqu'il y a la deuxième carte du Trivial, c'est votre carte, l'équipe. On va faire plein de points. Les Portugaises en sablé. On va se passer, Hirt. On fait la pub pour GG après? Oui, juste après. D'accord. Et voici donc votre carte, la carte la plus facile. On se concerte. Hein. Attention. Ah bah non, si tu as la réponse cash, tu dis cash. Cash. Top. Quelle est la capitale de la Turquie? Cash. Ah. Vas-y, Orca, vas-y. Ankara. C'est correct. Salope. Zwei point. Je savais que c'était pas Istanbul, mais j'arrivais pas à trouver. Comment on dit Doué, non? Deutsch. Deutsch. Deutsch point. Deutsch. Comme un chien. Qui est l'auteur du livre dont a été tiré le film Petit déjeuner chez Tiffany? Truman Capote. Cash. Oh là. Oh yeah. Deutsche Point. Breakfast at Tiffany's. En quelle année? Ça s'appelait Diamant sur canapé en français, réalisé par Blake Edwards avec Audrey Hepburn. Ah. D'autres choses? Oui. En quelle année? Avec dans le rôle du chien Toby Maguire. En quelle année? Oui. La guerre d'Algérie a-t-elle commencé? Ah. 67. Vous êtes... Bop, bop, bop. Merde, ça y est, on a plus de cash. Non, non, non, non, non, ça s'est terminé en 62, donc je dirais que ça a dû commencer en 58. Ou 57 ou 58. 57, moi je dirais alors. Parce que moi j'hésitais, j'ai dit 67. Et Jean-Marie, une réponse? Eh. C'est pas Jajen comme réponse. 57, alors on va dire. 57! Non, non. Ah merde, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Jajen ne me lance pas. Mais dans In the Microphone. In the Microphone. Celui qui est branché. Je crois que c'est. Ah, le Gérard a un micro à la main qui n'a pas de fil. Prêt à te balancer sur la gueule. Je crois que c'est 53. Mais j'avais dit 56, mais bon. Bah, dis 56. Non, non, non, non, non. Mais 53, ça me paraît tôt. Alors, dis 56. 53, on était encore un. Ouais, ouais, on était. Ouais, 56. 56. C'était en 54. Ah, ah. J'étais plus. Ouais, pas de regret. Qui a écrit, je cite. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oh, Si tu Attends. C'est bien la peine que je me foute de la gueule de Bob. Si tu es la cache, dis cache. Moi aussi, je dirais cache là. Mais c'est bien. Alors, cache avec des O dans son nom là. Ah bah oui, mais. Ah bah là, si vous vous concentrez. Si on se concerte, c'est plus cache. T'as dit cache. Ah, faut pas faire ça. Ah, quand on dit cache, c'est même pas plus cache. Quand on dit cache, perdu. Attends, je savais pas, j'avais oublié. Donc moi, si je dis cache. Faut que tu donnes la réponse. Voilà. Toi, Fred, tu sais. T'as dit cache, non? Non, il sait pas. Donc moi, j'ai dit cache. Donc il est valable, il est en cours. Non, il est plus valable. Non, attends. Oh, GG quand même. Je suis la vidéo. C'est José Cruz. Cruz. Non, mais non, c'est pour GG. Demain matin, il sera encore en train de chercher sur internet, ce sera cache. Non, j'ai fait un spectacle sur lui. Hein. Ah oui, mais est-ce que tu crois qu'on va passer la nuit? Je le sais, il y a eau dedans. Je l'ai appris, mais c'est pas ronchin. C'est chez Alzheimer, bon, ça commence à pas ronchin. On laisse passer, mais je suis dégoûté là. Ça me reviendra. Non. Alors, si oui, ça passe, je peux les vieilles morues. Qui a écrit « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie » Didier Barbelivien. Non. C'est... Oui. Je sais pas. Celui qui a fait les versets pour le débarquement là. Alors, il faudrait une réponse parce je que je sais plus. Vous ne savez pas. Je vais dire Boris Vian parce que c'est celui qui me vient. Non, c'est pas Boris Vian, c'est Mais non, c'est... Baudelaire ? Non, c'est Ronsard. Ah, Ronsard. Ah oui, c'est bien plus vieux. Ah, alors je savais pas. Autant pour je moi. L'ai dit en plus. Celui qui a écrit sur les plages du débarquement, confondu avec un autre. Je l'ai dit. Ronsard ne devait pas être bien frais. Bon, alors, quelle mission Apollo a été la première sur orbite autour de la Lune. C'est le numéro, hein. Oui, oui, bah je me doute. En orbite. Donc quelle mission Apollo? Apollo combien, non? En a orbite. A été la première sur orbite autour de la Lune. On va dire au hasard, de toute façon. Celle qui a été celle sur a la fait... Lune, c'est Apollo 11. Apollo 11, celle qui a tourné, qui a réussi à la revenir sur Terre, c'est Apollo 13. Non, c'est oui, celle qui a failli pas revenir. Voilà. Donc c'est avant 11. Avant 11, ouais, a priori. Donc on va dire 6, 7, je sais pas ce que tu veux. Non, moi je dirais quand même plus proche de 11. Allez, Apollo 10. 10 ? Ouais. Hein ? Bon. Apollo 10. Non. Non. Non, 9. Et c'était 8. Ah, je suis persuadé que c'était 9. Qui a-t-on ? Alors là, c'est une question qui de... Qui a-t-on le mouton ? Qui a-t-on surnommé le roi René ? Ah ! René. C'est pas René Latto. Frédéric Coster. Alors le roi René. Vincent Lagarde. Donc une question de sport et loisirs. Ah oui, sport et loisirs, René. René, René, René, René. Tu connais un sportif qui s'appelle René, toi ? René. René. Ah oui, il y avait un cycliste qui s'appelait René. Ah. Ça ne peut pas être ça. Le non, grand René. Ah non, non, non, moi j'ai rien dit, moi. Non, je vois pas du tout, là. Attention, il va cracher. Attention, il va cracher. Non. Lui sur un papier. Non. Moi, je vois pas du tout. Non, vous ne savez pas. Alors, non, Bob pas Bob. Non, je sais plus. C'est un cycliste. Le roi René. Non. Dagobert. Moi, je connais un roi René, mais il fait du bridge. Ah ouais. C'était René Vietto. Je ne connais pas. Et là-bas, on vous soufflait pelé. Hein. Bon. Le point n'est pour personne, mais cependant, mais... je dois dire quand même que les là, Portugaises ensablées mènent pour l'instant la barque avec 6 à 2. Grâce à ton trafic de cartes. Mais non. Cependant, c'est ce qu'a dit la femme de Bob la dernière fois qu'elle l'a vu tout nu. Hein. Alors, je crois que tu nous as amené, Frédéric, une petite chanson... Ah pour GG. Mais oui, parce que je vous ai retrouvé le 45 tours qu'a enregistré GG. On en a passé un extrait la dernière fois dans le quiz, mais vous allez reconnaître que c'est GG qui a enregistré cette chanson. Vas-y, envoie. N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce. C'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse. C'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse. C'est une pute. Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse. Bah, c'est une pute. Un homme, c'est un séducteur, une femme à homme. C'est une pute. Oh, bravo, oh, oh là là. Je revendique. Donc C'est vrai, tu enregistrais 45 tours. Parce que Gégé, non, mais je revendique, j'aurais pu le faire. Parce que Gégé commence toutes ses histoires par... Alors c'est une pute. C'est une pute. Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne. C'est une pute. Ça va devenir le jingle de Gégé. Oh là là là là, comment on va rattraper ça, c'est pas possible. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Voilà, bah écoutez, on va essayer de rattraper l'affaire avec une tournée de blagues, juste après cette courte pause. Restez avec nous, on revient avec José Cruz. Retour, on va se marrer avec José Cruz. Ouais. Mais alors, José, dis-moi. José. Ah, il y a les fans. Hein. Dis-moi, José, mais ça t'est venu comment la passion du spectacle comme ça? Ça t'est venu comment d'être portugais? Ça, je n'ai pas choisi. Mais la passion du spectacle, c'est parce que depuis tout petit, j'ai beaucoup aimé écrire les histoires, d'abord de mon côté, puis après commencer à la raconter, et après les raconter, faire rigoler les gens, et après faire rigoler les gens, et après faire rigoler les gens. J'ai envie de faire un spectacle. Sur scène, t'as pas d'accent. Bah, des fois, quand j'imite mes parents, si. Par exemple, mon papa, lui, parle comme ça. Il parle justement le frantugais. Un autre exemple de portugais pour Gégéa. Gégéa. Devant une situation surprenante et non prévue, un individu parlant correctement français s'exclamera « Super les popettes ». En frantugais, ça donnera « Bordel de merde ». Bon, et eh bien, puisqu'on est parti pour se marrer, voici la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Une petite mignonne, Gégé. Ouais. Pour te rattraper. Pour te rattraper. Alors, quelle ressemblance y a-t-il entre les couilles et les témoins de Jéhovah? Eh ben, c'est très simple. Ils vont toujours par deux et on les laisse jamais entrer. Une vieille dame se présente à la caisse d'un cinéma. Moi, j'en raconte des mignons, d'accord? Ah oui, on voit ça, oui. Donc, une vieille dame se présente à la caisse du cinéma. Faites-vous quelque chose pour les personnes âgées? Mais oui, madame, on les réveille à la fin de la séance. Moi, j'ai fait encore ma blague préférée au restaurant avec ma mère l'autre fois. Ah? Ma sœur a failli s'étouffer de rire. Il y a le monsieur qui arrive, le serveur qui arrive, il fait « Je peux vous débarrasser ?»« Oui, oui. Maman, tu vas avec le monsieur ?» Alors, un dimanche par mois, Maurice va déjeuner chez ses parents. Ils sont morts. Il les a tués. Profitant que la mère est à la cuisine pour apporter la touche finale à son bœuf bourguignon, son père lui dit « Bah, dis donc, Maurice !» Oui. Yo, hey, quand est-ce que tu vas te décider à te marier? Oh bah dis donc. Alors il est un peu emmerdé. Oui. Mais quand j'aurai trouvé la femme capable de me donner le bonheur parfait. Oh là, t'es pas obligé de hurler non plus. Alors, le père pose son verre et d'un air grave, écoute fiston. Pour connaître le bonheur parfait, il te faut premièrement une jolie gonzesse qui te fasse bien l'amour. Il parle comme ça, le père. Deuxièmement, il te faut une gonzesse qui te fasse le ménage et la cuisine. Et troisièmement, il te faut une gonzesse qui te dise toujours la vérité. C'est vachement difficile à trouver quand même. Non, ce qui est difficile... C'est qu'aucune de ces trois gonzesses ne rencontre les autres. Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc? Un mille pattes avec une jambe de bois. Deux amis dragueurs. Un timide et puis l'autre... deux amis, un dragueur et un super timide. Ils discutent autour d'un verre, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Puis le timide, il dit... j'avais jamais couché avec ma femme avant de l'épouser. Hein. Et toi? Je sais pas... Comment elle s'appelle ta femme déjà? Non. Et Ah, moi, tout à l'heure, j'avais bien envie de vous raconter, parce que comme elle est dans ton sketch, j'avais bien envie de vous raconter la blague de Mimi Mati. C'est une des blagues préférées de GG, oui. Parce qu'il adore Mimi Mati. C'est Mimi Mati qui va chez son... J'adore les lancers de nains, mais ça, on n'a plus le droit, maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. Alors, c'est Mimi Mati qui va chez son gynécologue. Je la sens bien, je la sens bien. Mais oui. Bonjour Mimi, rentrez. Ah, écoutez, docteur, vraiment, je suis très ennuyé. Oui, voilà. Et je suis très ennuyé. Je suis très ennuyé parce que, voyez-vous, j'ai la chatte en feu. Oh. Comment ça, vous avez la chatte en feu? Oui. En fait, c'est quelque chose de très bizarre. Dès qu'il pleut, une belle averse, clac, la chatte en feu. Alors ça, bon, alors aujourd'hui, il fait beau. C'est dingue. Là, je vais pas pouvoir vous, ça sert à rien. Revenez me voir un jour il pleut. Comme ça, je pourrais constater sur la bête. 8 jours plus tard, une averse d'enfer. La Mimati, hop, ventre à terre. Enfin, façon de parler. Philippe! Chatte à terre. Oh non! Fonce chez le gynéco. Elle passe, hey, priorité handicapée, laissez passer, urgence, quand elle passe devant tout le monde, elle rentre dans le cabinet, ça y est, docteur. Bon, alors, vous avez la chatte en feu ou pas? Oui, mais, alors, j'ai la chatte en feu. Bon, allez, installez-vous, elle se fout les quatre pattes en l'air, enfin, non, les deux, pardon, excusez-moi. Elle se fout les deux pattes en l'air, machin, dans le truc. Docteur, regardez, ah, oh, là, là, là, là, là, ça y est, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé. Il attrape une paire de scie. Et il commence à, la Mimati, elle commence à fouetter, qu'est-ce qu'il fait? Mais, et ne vous inquiétez pas. Allez, bon, alors, allez, redressez-vous. Oui, bah non, oui, ça y est. Alors, vous avez toujours la chatte en feu ou pas? Ah bah non, là, j'ai... Ah bah non, là maintenant, bah non, ça va mieux. Mais qu'est-ce que vous avez fait, docteur? Oh, très simplement, j'ai raccourci vos bottes. Moi, la meilleure blague qu'on m'ait fait sur les Portugais, c'était un jour, j'étais tout petit, je jouais au foot, tac, je me blesse. Ah, trop mal, trop mal. Direct, mon père, il m'embarque dans la voiture et il m'embarque aux urgences. Le médecin, il arrive, il m'ausculte et il appelle mon père et lui dit « Bon, monsieur Cruz. Votre fils, il a une fracture, hein. Il va falloir le plâtrer. Comment on fait? On s'en occupe ou vous en occupez? Véridique. Elle est très bonne. Alors, bien sûr, tu as un spectacle avec des sketchs, mais est-ce que tu savais, parce qu'il n'est pas là ce soir, est-ce que tu savais que Maurice, lui aussi, a un talent caché d'interprète de sketch? Alors, en règle générale, maintenant, on est en train de perdre le réalisateur. En général, on demande aux invités de participer au sketch de Maurice, et c'est ce qui s'est passé il y a pas très longtemps, et donc une brillante interprétation de Maurice dans un de ses sketchs préférés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Mademoiselle. Bonjour monsieur, je voudrais des vibromasseurs. Mais non, c'est des godemichets. Ah, des godemichets. Oh là là. Ah. Eh, les vibros, c'est aussi, hein, c'est pareil. Oui, bon. C'est pareil, connasse. Oh. Allez, on recommence. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Il me fera toujours rire. Arrêtons-nous là. Bonjour monsieur. Allez, vas-y maman. Je voudrais des sex shops. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais il faut l'interner. Vous inquiétez pas, il fait pas exprès. De quoi, Fred? Je suis pour rien, moi. Je suis pour rien, j'étais mauvais, il est Cathy. Non, bave. Non, Fred, c'est le grand Julien, là, oui. Cette salope. Elle m'a mis du BHV dans mon verre. BHV. Oh là là là là. On est en train de perdre le verre. Il va mourir. Du BHV dans mon verre. On a perdu l'animateur. Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Profitez-en, c'est les soldes. Bon, je voudrais des... des sexes, des vibromasseurs. Non. Oui. Non. Oui, des godemichets. Voilà. Ah, ben bah, voilà. Vibromasseurs. Bah, quand tu t'appliques. Oui, bon, oui. Et tu vas pas nous faire une thèse, non? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je désirerais des godemichets. Oui, très bien. Vous avez qu'est-ce que vous avez dans votre magasin? Vous avez une préférence, au niveau de la taille, de la couleur? Oh, proposez-moi ce que vous avez de mieux. Eh bien, pour vous, j'ai ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? J'ai un 30 cm pour vous. Ah, c'est déjà pas mal, hein, en plus. Oui. Et en plus, non, vous n'avez pas plus grand. C'est toi qui le fais, pomme. Ah oui, non, mais et vous n'avez pas plus grand. Après, on ne va pas y passer la journée. Alors non, 30 cm, c'est notre plus grand modèle. Et celui-là qui est un tout petit peu en retrait, là. Oui. Le rouge, là. Le grand rouge. Le grand rouge. Oui. Oui, je vois pas de quel modèle. Enfin, c'est juste à côté là, en dessous, ah oui, mais... en dessous de l'étagère. Mais c'est l'extincteur, ça, madame. Ah. Alors, et on va quand même souligner que l'interprète aux côtés de Maurice. C'était Stéphane Auer. Oui, qui joue dans Mars et Vénus actuellement. Et sa partenaire Florine que vous entendez rigoler derrière. Oui. Oh, le coup du BHV, ça, c'est l'heure. Ah, c'est BHV, vraiment extraordinaire. C'est vraiment, oui. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, oui, nous allons marquer une courte pause. Bon, et on va voir si on peut avoir des nouvelles d'autres portugais de ton spectacle, peut-être, papa. Allez. Ou quelqu'un, est-ce possible? Avec plaisir. Allez, on revient dans quelques instants avec José Cruz. Ouais. Retour, on va se marrer, ouais, avec José Cruz. Ouais. José Théâtre Pandora. Et voilà, qui vient nous voir parce qu'il est au Théâtre Pandora à Paris tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h. Tout à fait. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu es allé. Oula. Oula, tu es allé, oui. Donc tu es allé. Tu es allé. Faire un tour au Portugal. C'est tout à fait. Mais est-ce que, en dehors du Portugal, tu vas aussi faire un petit tour en France dans les scènes? Ouais, là, je reviens de Nice où j'ai joué au Jazz Comedy Club, un super café théâtre qui a ouvert il y a quelques mois. Et je salue toute l'équipe qui m'ont accueilli. Ça s'est super bien passé. C'était cool. Ils sont adorables. Le public qui nous soit, c'est génial. Ça part aussi en janvier. Ce sera le 21 janvier du côté de Saint-Etienne, à Rive-de-Gier. Puis après, il y a d'autres dates qu'on peut retrouver sur Internet en tapant José Cruz. Hola. Tout simplement. Tout simplement. Mais en attendant de pouvoir aller l'applaudir sur une des scènes nombreuses, nous allons l'applaudir sur la scène dont on va se marrer pour un nouvel extrait du spectacle. Oh, du spectacle. Spectacle. Oh, c'est parti. Voici José Cruz. Oh là là. C'est pas beau de se moquer, Philippe. Non, moi, quand je rencontrerai la fille de mes rêves, je pense que je la jouerai à l'ancienne. Premier soir, gentleman, je l'invite à prendre un verre. Ça va? Tranquille. Bien ou bien? Qu'est-ce que tu bois? Une coupe de champagne. Ça va, tu te fais pas chier, toi. Garçon, une coupe de champagne et une carafe d'eau. Après, romantique, j'emmènerai faire une balade dans les plus belles rues de Paris. La la na na na na na na na na na. Qu'est-ce que c'est beau, Barbès? C'est là que j'habite. Et puis galant, bah, je lui proposerai le fameux dernier verre, celui que nous les mecs on attend impatiemment. Tu montes prendre un petit coup. Et elle me répondra: je sais pas, il est déjà super tard. C'était pas prévu, en plus j'ai mon chat qui m'attend à la maison. Bon, elle est d'accord, mais rapide. T'inquiète. Non, c'est parce que le code, c'est mon nom. Mais à l'envers. Tu l'as pécho quand même ou pas? Tintintintin. Bah, j'avais mis du BHV dans son verre. Non, parfait. C'est à dire que bien entendu, toutes les filles, comme dirait mon papa, je tiens à le dire et ça c'est vrai, ce sont tous des étoiles merveilleuses et comme dirait mon papa, pour chaque pêcheur du monde entier, il y a toujours une sirène qui l'attend. Oh. Mais il me dit aussi, mais toi José, tu dois avoir un problème d'asticot. Alors le multi-quiz. Là, c'est encore le moment où il va falloir marquer des points. Multi-quiz, la règle est simple. Nouveau jeu ? Oui, c'est un nouveau jeu. Je vous pose une question. Ah, ça y est, il y a le Guilux. C'est un ancien nouveau jeu. Si vous donnez la réponse directement, vous marquez 2 points. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous me demandez 3 propositions. Et là, ça ne sera qu'un seul point si vous trouvez la réponse. Attention, bien sûr, si malheureusement vous ne trouvez pas la réponse et que vous avez demandé les 3 propositions, eh bien, l'équipe adverse peut répondre à votre place. Ah. On va commencer par l'équipe qui est menée, l'équipe des vieilles morues. Ah oui. Allez, c'est parti. Comme chaque année depuis 2002, les New-Yorkais ont organisé en janvier, le 9 janvier, une journée spéciale. Quelle était cette journée spéciale ? C'est pas le marathon de New York ? Ah, peut-être. En janvier à New York ? Oui, bah pourquoi pas. Sous la neige. Alors, est-ce que vous avez la réponse ou si vous voulez, est-ce que vous voulez les trois propositions pour assurer le coup ? Ah, moi, je sais pas. Moi, bah, moi non plus, je sais pas. Hein. Moi, j'aurais pensé au truc de New York. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, prenez les propositions. Eh ben, allez, les propositions. Alors, les propositions. La journée des vêtements à l'envers au boulot. La journée sans pantalon dans le métro. Ça, c'est les gros. Ou la journée tout nu et tout bronzé à la maison. Moi, je pense à pas chez soi. Non, à l'envers. À l'envers, bah, à l'envers. Allez, ah oui. À l'envers au boulot. À l'envers au boulot. À l'envers, oui. À l'envers au boulot. Non. C'est à nous de répondre. Oui. Bah, à poil chez soi. Non, mais non, non, non, non, non, non, non. Sans pantalon dans le métro. Sans pantalon dans le métro. Sans pantalon dans le métro, c'est la bonne réponse. Eh, hey, j'ai vu les épisodes de Friends. C'est américain. Je peux pas les blairer, mais j'ai bien. C'est dans Friends. Dans Friends. Ah, c'est dans Friends. Ouais, dans Friends. Ah, ouais. Il y a un épisode, je crois, là-dessus. Mattel lance une nouvelle en février 2011. Mattel lance une nouvelle campagne. Ken veut reconquérir Barbie. Le couple a en effet divorcé le 14 février 2004, la veille de la Saint-Valentin. Cette campagne a été lancée à quelle occasion ? Si vous n'êtes pas sûr, prenez les trois propositions. Trois propositions. Les 30 ans de Ken, les 40 ans de Ken ou les 50 ans de Ken ? Ça fait combien de temps qu'elle se fait Ken, la Barbie ? Ouais, je dirais 40 ans. 40. Et si elle s'est défait que le 40 Ken. Ans. Les 40 ans de Ken, non. Ah, bah c'est 50 alors. Ouais. Attends, parce que la Barbie, elle a quel âge ? Elle s'est fait tirer. C'est une vieille pute, hein. La vieille avec son botox et ses seins refaits. Ouais. Au truc de au truc des unes. Oui, allez. Les 50 ans de Ken, ouais. C'est une bonne réponse. Ouais. Mars 2011, un Mexicain se fait photographier avec ses tatouages. Le visage d'une célèbre actrice est reproduit 82 fois sur son dos, son torse et ses bras. Mais qui est cette célébrité américaine que ce monsieur mexicain se fait tatouer 82 fois ? Cameron Diaz, Julia Roberts, bah oui. Demi Moore. Ah, oui. Moi je dirais Julia Roberts, elle avait du chien. Elle est pas morte. Oui, hein. Oui. Mais alors, elle est moins jolie. Moi j'aurais dit Diaz, mais bon. Eh ben dis Camara. Non, Camara Diaz. Alors une réponse. C'est communiste. Camara Diaz. Une réponse. Si c'est Roberts. Non, bon, on s'en fout, on perdra. C'est un festival de je parle pas dans mon Diaz ce soir. Hein. Alors Cameron Diaz, non. Julia Roberts. C'est correct. Ah En avril 2011, la Thaïlande a fait son entrée dans le livre Guinness des records grâce à l'organisation de la plus grande bataille de pistolets à eau du monde. Oui. Moi, je suis allé. Combien de joueurs a réuni ce combat ? Trois propositions. 1447, 3447 ou 5447 ? 5000. 5000, non. Oh ! C'est à Bangkok. Enfin, c'est un peu dans toute la Thaïlande, mais c'est à Bangkok parce que c'est la fête de l'eau. On s'en fout, une réponse. Il y a 4000 personnes ou il y a 1000 personnes ? On s'en tape, une réponse. Il y a beaucoup de monde ? Il y a beaucoup de monde. 4000. Non, non, c'est pas 4000. C'est 1,35. C'est 3000. Si, si, oui, 4000, il a dit, ouais. Oui, bah c'est donc 3000. Non, 4000, il a dit. C'est celle du milieu. Bob a dit 4000. C'est 1000, 3000 ou 5000, mais c'est celle du milieu. C'est quoi la bonne réponse ? C'est bien 3450. Quel loueur de voiture surfe sur la rumeur de grossesse de Carla Bruni en lançant en mai une publicité avec ce slogan ? Une publicité. Chère Madame Bruni, auriez-vous besoin d'une familiale ? C'était en mai 2011. Ah, moi je sais. Cash. Oui. Jumeaux. Quoi ? Quel jumeau ? Quelle marque de voiture ? Ah, la marque non, de la voiture. La marque du loueur. La marque du loueur de voiture. C'est moi. On dirait Maurice avec ses schtroumpfs. Non, parce que j'ai cru que c'était. Alors. Pourquoi ? Quelle est... J'ai pas compris alors, la question. En fait, il y a un loueur de voiture. Oui. Ah, voilà. Qui a fait une pub en mai dernier. Ah oui. En disant, chère Madame Bruni, auriez-vous besoin d'une familiale ? Cash. Ah oui, mais j'avais pas compris. Cash des triplés. Trois propositions. Hertz, oui. Europcar, oui. Ou Sixt. Ah oui. Ah bah tiens, c'est une qu'on connaît pas. Tu connais toi Sixt ? Sixte, oui, c'est connu. Sixte. Moi, je connais pas. Moi, je... à elle, ils auraient pu lui proposer une Ferrari ou une Lamborghini. Oui, pour une familiale, oui. Ouais, mais pour louer des voitures. Alors. On met Sixte. Tout à l'heure, tu l'as écouté. Tout à l'heure, tu l'as écouté. C'était pas la bonne réponse. T'étais pas content. Ah oui. Non, mais je m'en fous. Alors, Sixte. Et c'est une bonne réponse. Ouais, c'est Sixte. Ah, ouais. J'essaie de la dire. J'essaie de la dire. Dernière question. Oui. Pour nous. Juin 2011. C'est pour eux, là-bas. C'est pour eux. Oui, ouais. Le Presse Club de France attribue, comme chaque année, son prix humour et politique. Qui a été récompensé en 2011 pour cette phrase, je cite, « Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. » Laurent Fabius. Laurent Fabius, c'est une bonne réponse. Cache. Les Portugaises en sablé, je trouve qu'elles ont bien assuré la mode. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais elles sont quand même en retard sur l'ensemble des points. Non. Mais non. Ah non, vous êtes en avance sur les points. Oui, voilà. Ah oui. Mais oui. Parce que José est tellement brillant. Oh, viens que je t'embrasse. Oh, mon Quand je pense que c'est GG qui le ramène en voiture. Oh là là là là. Bon. Viens, GG, ceci... je vais te prendre. Eh, ceci dit, attention José, nous arrivons en fin d'émission. Ah. Et chaque semaine, en fin d'émission, oui, Frédéric Coster, maintenant, nous le sort. Ah oui. Le petit quiz. Son petit quiz. Ah, on rassure les auditeurs, ce n'est pas cochon, c'est de la musique. Et c'est juste après cette courte pause. Ah. Revenez avec nous, reste avec José Cruz. Pour la dernière fois aujourd'hui, on va se marrer. Ouais, avec José Cruz. Ah. Ouais. Un Portugais qui a quitté son Portugal. Ah non, faut pas que. Et non, parce que non, je chante parce que c'est le petit quiz musical. Ah, c'est pour ça. Bah oui, c'est le petit quiz musical. C'est une pute. GG. José, tu me rappelles de quel pays t'es originaire? Alors, je suis originaire du Portugal. Mes parents viennent de là-bas. Moi, je suis né ici en France, donc je suis aussi français. Hein. Oui, oui, non, mais tes origines familiales viennent du Portugal. Tout à fait. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est un quiz Portugal qu'on va faire ce soir. Huit extraits de chansons dans lesquelles on parle du Portugal. D'accord, d'accord. Et d'une manière ou d'une autre. Et donc, eh ben, il faut trouver le nom de l'interprète. Le nom de l'interprète. Waouh. Il y en a huit plus le premier, Bob. Le jingle. Le Ah, merci. Le jingle. Ah, c'est parti. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche. Adieu Lisboa, vieille cité du Portugal. Un portugués deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ela não perdeu a esperança. Je pars Lisboa, fui vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Le Portugais dans son ciré tout rouge, qui ressemble à un épouvantail. Les cloches de Lisbonne, au matin, quand c'est dimanche. Avez-vous vu de lavandière, comme il y en a au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Setúbal. Eh ben, c'était pas facile. Hein. Ah non, alors là. Alors là, c'était pas facile. Alors, José, t'en as trouvé Absolument. Combien? Absolument. Alors, trouvé, je sais pas, mais. Dis-nous j'en ai... combien? Je dirais 4, 5. Ah bon, c'est le plus simple quand même, c'est le premier. GG, tu l'as trouvé le premier? Ah, le jingle. Ah, bravo. Bravo, GG. Alors. J'adore jingle. On fait comme Bob, on la décompose. Ah, oui, c'est Bob. Mais c'est Boris, c'est pas là. C'est... On commence par un plus. Ouais, je connais, mais. Alors, l'invité est prioritaire pour le répondre. Donc, c'est là? Oui. Bah, moi, j'ai mis Julio Iglesias. Oui, c'est ça. Dario Moreno. Bravo. On a Dario Moreno. On a dit qu'on laissait l'invité. Ah, ouais. Tu l'avais? Ah, moi j'ai mis Luis Mariano. Non, non, c'est Dario pas là. Moreno. Dario Moreno. Pas là. Bon. Linda. Linda. Bah, ouais. La Linda de Sousa. Oh, elle était extraordinaire. Non, mais c'est, en plus cette chanson elle avait super bien marché. Alors lui, quand il arrive à se recoller le dentier, on le reconnaît. Serge Reggiani. Ah non. Moi j'ai mis Charles Aznavour. Eh oui. Grand. Ah. Je connais la voix, mais je suis incapable de moi mettre aussi. Un mot. Ah, Moustaki. Ah, quand même. Pareil, je connais la voix. Jodassin. Jodassin. Eh oui. Eh, moi j'avais mis Dalida. Non. Mais plus jeune. J'ai retrouvé. C'est pas la Gloria Lasso. Gloria Lasso. Gloria Lasso. Alors là, José. Eh ben, Luis Mariano. Yes. Ah voilà. Mais j'ai hésité sur les du Portugal. Ouais, ça mérite les applaudissements quand même. Hein. Bravo à José, il a bien assuré. Et à Don Salus. Qui ça? Don Salus. Ah oui, j'ai oublié. Les acclamations. La Teignas. Les acclamations de Don Salus, alias Frédéric Koster. Ouais. Qui a trouvé Viva. Plein de musique. Viva Don Salus. Viva jamais pas. Mais, dis donc, oui. Il ne m'acclamait pas. Ah, je croyais pourtant. Ah, mais pas. Si, j'ai cru. Prends ça. Bon, eh bien, puisque vous êtes en forme et qu'il nous reste quelques instants à la dernière tournée de blagues. Allez. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Dis, papa. Oui. C'est quoi la différence entre la richesse et la pauvreté? Alors, la richesse, c'est le caviar, le champagne, les femmes. La pauvreté, c'est les sardines, la bière, ta mère. Non. Merci. J'ai retrouvé ma petite mignonne. Ah oui, vite alors. Comment fait-on l'amour avec une lépreuse? Oh, non. Oh, là, là, là. C'est horrible, je ne peux même pas entendre. Mais il n'arrive pas à le dire. En d'avance. Cassant la croûte. Oh, oh non. Oh non. Pourquoi Jésus ne jouait pas? Parce que vous savez que Jésus faisait Jésus était portugais. Oui, et il faisait du foot. Mmh. Et vous savez qu'il n'a pas joué lors du match Bethléem-Jérusalem. Ah bon? Oui, il était suspendu. C'est un tireur d'élite qui rentre chez son armurier pour acheter une nouvelle lunette de visée pour le fusil. Alors le commerçant lui présente un nouveau modèle super performant. Il fait, voyez la maison là-bas sur la colline à 3 km, c'est chez moi. Mettez la lunette, prenez, vous y verrez comme si vous y étiez. Alors le mec il prend la lunette, il fait, ah ouais, ah on voit super bien. Ouais. Puis je vois même un mec et une bonne femme qui sont en train de bien rigoler au premier étage. Le vendeur il lui arrache la lunette des mains, il regarde, il fait, oh nom de Dieu. Il ouvre un tiroir, il sort deux balles de fusil. Il est fou dans le fusil. Il donne ça au tireur et il dit, si vous mettez une balle dans la tête de ma femme et une balle dans la bite du mec, je vous offre la lunette. Le tireur prend le fusil, il prend son information, il fait, si je tire tout de suite, une seule balle suffit. C'est monsieur Tugomo qui rentre chez lui à l'improviste et découvre sa femme au lit dans les bras de son meilleur ami. La pute. Je la refais. C'est monsieur Tugomo qui rentre chez lui à l'improviste et découvre sa femme au lit dans les bras de son meilleur ami. Quelle pute. Attends, je la refais parce qu'après les gens ils perdent le fil. On dirait Maurice. C'est monsieur Tugomo donc qui rentre chez lui à l'improviste et découvre sa femme au lit dans les bras de son meilleur ami. Chut. Quelle pute. Vas-y, embraye José parce qu'on va pas y arriver sinon. Et donc il découvre sa femme au lit dans les bras de son meilleur ami et il fait, ah, Jean, c'est pas possible. Oh non, Jean, ça alors, Jean, vraiment, Jean, mais je comprends pas. Moi, je suis obligé. Mais toi. Bon, eh ben, écoutez, pute. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous et que vous aurez envie maintenant de courir au Théâtre Pandora à Paris. Donc pour les Parisiens, c'est facile. Pour ceux qui nous écoutent en province, ben, faut prendre le train et puis venir à Paris. Passer une bonne soirée. Regardez si j'arrive à avoir les bons horaires. Oui. Regardez sur internet pour avoir toutes les dates en tournée. Les dates en tournée, puisque José vous l'a dit, il tourne dans toute la France. Vous allez sur sa page Facebook, vous demandez José Cruz avec un Z. José Cruz, hola. José Cruz, hola. Et donc le spectacle hola, encore à de beaux jours devant lui, hein, je pense. Ouais, je pense. Bah là, il va pas lui porter la poisse, toi. Non, mais ça marche vachement bien. Bien sûr que ça marche bien. Mais ça se développe bien, ça avance bien. Je suis content. Donc côté à Pandora, du jeudi au samedi à 21h, c'est 30 rue Keller dans le 11e à Paris, métro Bastille ou Voltaire. Vous pouvez réserver au 01 47 00 88 01. Ah, merci Maurice. Merci Maurice. En tout cas, moi, je veux dire merci. Merci de m'avoir accueilli à chaque fois. Tu reviens quand tu veux. Quand tu veux. Je suis ici chez toi. Alors, je vais quand même te donner une bonne nouvelle. Ouais. C'est les scores. Alors là, j'ai tout le monde triche. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon puisque ton équipe des vieilles morues a marqué 5 points. Bravo! Et bravo, le public vous applaudit. Applaudissez-les quand bravo, même. Bravo, bravo! On les mérite. Et eh oui. Et voilà. Et l'équipe des Portugaises ensablées combien vous a écrasé avec 10 points! Oui, je tire. GG, un commentaire. Non, mais regarde, il est content. C'est bien. Moi, je suis ravi parce que c'est son seul bonheur dans la vie. Moi, je vais aller tirer un. Moi, je vais aller tirer un coup maintenant. Bon, eh bien, on remercie encore une fois et on l'applaudit, José Cruz. Ouais, merci, merci à tous. L'émission sur iTunes chaque semaine, le podcast onvasemarrer.com, les anciennes émissions, et la page Facebook pour avoir les photos de l'émission. Ouais. Merci de votre patience. À la semaine prochaine. Ouais. Salut.